Dennis Webb. On veut tous les ignorer, mais non c'est pas si facile. J'ai des problèmes dans ma tête y'a des civils. On prend des choses qu'on fera pas, génération maudite. On rêve tous de liberté, sortir après bonne conduite. Et puis on s'envoie la rafta, madame tu connais la suite. J'suis pas le fils d'un millionnaire, mais j'aime pas passer principe. J'aurais pu finir canté, ou comme N'Golo Kanté, ou finir dans un go-fast bolide, les vitres teintées. Mais Dieu merci, je suis loin de ça. La musique, un passe-temps, c'est devenu mon rêve. Machallah, je rendrai fier maman. On veut tous les vivre nos rêves, mais non, c'est pas si facile. J'ai des problèmes dans ma tête, dans ma tête, y'a les civils. On se promet choses qu'on fera pas, génération maudite. On rêve plus de liberté, sortir après bonne conduite. Et puis on s'envoie la rafta, madame tu connais la suite. J'suis pas le fils d'un millionnaire, mais j'aime pas passer principe. J'suis pas quelqu'un d'exemplaire, mais j'ai des valeurs. Ils ont goûté à la terre, tous mes potos les voleurs. On veut tous les vivre nos rêves, mais non c'est pas si facile. J'ai des problèmes dans ma tête y'a les civils. On se promet choses qu'on fera pas, génération maudite. On rêve plus de liberté, sortir après bonne conduite. Et puis on s'envoie la rafta, madame tu connais la suite. J'suis pas le fils d'un millionnaire, mais j'aime pas passer principe.